Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. L'épreuve du ninja rouge. En arrivant en haut de la colline enneigée, Noah le vit enfin. Le temple du grand maître. Cela faisait maintenant 6 jours qu'il avait quitté son village. Il touchait enfin au but. Achever sa formation pour devenir le ninja rouge. Tous les 50 ans, des épreuves étaient organisées pour choisir la prochaine personne qui endosserait ce rôle, pour prendre la relève et apporter paix et sérénité dans le monde. Noah venait tout juste d'achever la partie théorique de sa formation. Connaître par cœur tous les pays du monde, apprendre à parler le lutin et maîtriser sur le bout des doigts la science des rennes, ces animaux majestueux, meilleurs amis des ninjas. Aujourd'hui, les choses sérieuses allaient commencer. La pratique. Être le ninja rouge nécessitait de nombreuses aptitudes physiques. Agilité, discrétion et endurance étaient les maîtres mots. Alors certes, Noah n'était peut-être pas le plus sportif, mais le plus déterminé, ça il en était sûr. C'était son rêve de devenir le futur ninja rouge et toute sa famille comptait sur lui. Complètement congelé, il arriva enfin aux portes du temple du grand maître. « Tu t'es perdu en chemin ou quoi ?»« C'est pas vrai. » Assise en haut des marches du temple, Noélie, sa rivale de toujours, trônait fièrement devant la porte. Durant toute leur formation, ils s'étaient disputés la première place jusqu'à être les deux vainqueurs de la première étape. Noélie était ainsi devenue la première fille à arriver à ce niveau de la formation. Ils savaient tous les deux qu'il ne pouvait y avoir qu'un ninja rouge. Et Noah n'était pas prêt à laisser sa place. D'un coup, les deux portes en bois massif du temple s'ouvrirent à la volée. À l'intérieur, emmitouflé dans un épais manteau rouge, le grand maître fit son apparition. Solennel, il s'avança lentement jusqu'aux enfants, puis une fois planté devant eux, les regarda en haussant ses épais sourcils. C'est pourquoi ? On vient achever notre formation de ninja rouge. De quoi ? De 1 aujourd'hui ? Bah oui. Oh là là là, j'avais complètement oublié. Entrez, tout est prêt. Les deux enfants pénétrèrent dans l'immense bâtisse pendant que le vieil homme courait ouvrir une malle. Il en sortit une structure gonflable toute raplapla et souffla dedans à plein poumon. Petit à petit, un labyrinthe monumental se dressa sous les yeux de Noah et Noélie et vint emplir la pièce. Rouge comme une pivoine, le vieil homme revint vers eux. « Jeunes gens, vous allez vous affronter pour le titre suprême de grand ninja rouge. Le ninja le plus rusé, le plus puissant et le plus adoré que la Terre ait jamais porté. Pour ce faire, vous allez devoir participer à des épreuves difficiles, dangereuses, qui vous pousseront dans vos retranchements. Vous êtes prêts ?» Pendant quelques secondes, seule la voix du grand maître résonna dans le temple. Oui, on est là pour ça. Bien. Pour cette première épreuve, vous devrez ramper dans ce labyrinthe le plus vite possible. Une fois sorti, vous devrez atteindre le grand arbre qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Mais attention, il faudra être le plus discret possible pour ne pas vous faire croquer le derrière par mes gentils toutous. En haut de cet arbre se trouve une étoile ninja. Le premier à la décrocher remporte cette épreuve. Compris ? Concentrés, les deux enfants hochèrent la tête en silence. Tout en frappant sur un gong sorti de nulle part, le grand maître tonna « Alors, que cette première épreuve commence !» Noah plongea dans le labyrinthe le premier. L'endroit était rikiki, et il avait à peine de la place pour bouger ses épaules. Le garçon tourna à droite, puis à gauche, puis encore à droite. Mais à aucun moment il ne vit la sortie. Il paniqua en imaginant Noélie déjà de l'autre côté. Noah ferma les yeux pour se concentrer et sentit alors un léger courant d'air sur le bout de son nez. Mais oui, il devait venir de la sortie. En le suivant, il arriverait à trouver son chemin. Noah gesticula comme un ver et finit par atteindre le bout du tunnel. Autour de lui, de gros molosses roupillait paisiblement. À l'autre bout de la pièce, une étoile scintillait en haut d'un sapin de plusieurs mètres de haut. Derrière lui, Noélie sortit du labyrinthe en sueur et analysa la situation. De peur de se faire distancer, Noah s'avança sur la pointe des pieds. Il avait parcouru la moitié du chemin quand une pièce d'or tomba à ses pieds, résonnant dans toute la salle. Le cerbère à côté de lui bougea une oreille. Noah se retourna vers Noélie. Sa rivale affichait un grand sourire, des pièces plein la main. « Arrête ! T'as pas le droit de faire ça !»« Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends pas !»« T'as pas le droit de... Oups !» L'énorme chien au pied de Noah venait d'ouvrir un œil. Pris de panique, le garçon se mit à courir, réveillant les autres cabots. En quelques secondes, il se retrouva avec une meute à ses trousses. Noah zigzaga comme un éclair pour tenter de les semer. Noélie en profita pour foncer vers le sapin qu'elle commença à escalader. Après de multiples roulades et esquives, il réussit à atteindre le tronc et entama son ascension. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à rattraper son retard, et Noélie saisit l'étoile la première. Le grand maître fit son apparition et siffla entre ses doigts. Aussitôt, les chiens regagnèrent leur place pour reprendre leur activité favorite, dormir. « Félicitations, jeune fille! Vous avez fait preuve de ruse et de finesse pour triompher. C'est une qualité inestimable. Sans plus attendre, la deuxième épreuve commence. C'est parti !»« Mais vous nous avez pas expliqué ce que c'était ?»« Ah oui, c'est vrai. Vous devez prendre ces deux gros sacs chargés de paquets et gravir la montagne de la nuit qui surplombe le temple. Le premier arrivé remportera cette épreuve. » Mais attention, de nombreux obstacles se dresseront sur votre chemin. Noah descendit de l'arbre à toute vitesse, saisit un des sacs apportés par le maître et se rua à l'extérieur. Il faisait un froid polaire et le vent se levait. Tant pis, Noah devait gagner. Dès le début, le parcours était difficile, la pente était raide, les rafales poussaient le garçon en arrière et son sac pesait une tonne. Au bout d'une heure de marche, Noah se retourna pour voir où en était Noélie. La jeune fille était à une centaine de mètres derrière et semblait en difficulté. Noah se retourna pour poursuivre son chemin. C'est là qu'il vit, dévalant la montagne, une énorme boule de neige foncer sur lui. Noah voulut prévenir Noélie, mais avec le vent et la distance, elle l'entendait à peine. Au dernier moment, il s'écarta de la trajectoire de la boule et Noélie la vit enfin. Elle voulut s'éloigner, mais ses pieds s'enfoncèrent dans la neige. L'amas de glace la percuta de plein fouet et lui roula dessus. Effrayé, Noah accourut et creusa dans la neige pour en sortir Noélie. Le visage de la fillette finit par apparaître. Mais elle avait à peine ouvert les yeux qu'elle fusilla Noah du regard. « J'ai pas besoin de toi, ok ?» Penaud, le garçon la laissa se débrouiller et poursuivit son chemin. À bout de souffle, avec de la neige jusqu'aux genoux, Noah parvint le premier au sommet de la montagne. Lorsque Noélie le rejoignit, elle tremblait comme une feuille. Dans un pop sonore, le grand maître fit son apparition à leur côté. « Bravo, mon garçon! Quelle endurance! Mais... maintenant, vous êtes ex aequo. Comment faire ?»« Ah, je sais. Pour vous départager... vous allez faire une course de traîneau. Vous devrez choisir vos rênes, les atteler et redescendre jusqu'au temple. C'est tout ? Oui, c'est tout. Sauf que vous devrez passer par le précipice de Krampus. Mais, grand maître, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Le pont qui permet de le traverser laisse à peine deux places pour un traîneau. Et si on tombe, on atterrit directement dans un fleuve qui nous emporte, on sait même pas où. C'est ça ! Que la troisième épreuve commence. Bonne chance. La jeune fille lui adressa un sourire inquiet, puis ils se dirigèrent vers l'endroit indiqué par le maître. À côté de deux magnifiques traîneaux, un troupeau de rennes broutait paisiblement. Noah tenta d'en attirer un en poussant de petits cris, mais l'animal se contenta de le regarder en mâchant lentement. Le garçon plongea dans ses souvenirs et se rappela l'un de ses cours sur la science des animaux polaires. Sans y croire, il entreprit alors un chant étrange en débutant une danse des plus bizarres. Noah secoua sa tête de gauche à droite en levant ses bras à tour de rôle tout en tournant sur lui-même. Les animaux le regardèrent un instant, puis 6 d'entre eux se mirent à imiter ses mouvements en le suivant. Noah se rapprocha de son traîneau en continuant de fredonner et attela les rênes. De son côté, Noélie avait une longueur d'avance et débutait déjà sa descente. Assis sur son siège, Noah chanta un ordre qui fit démarrer les rênes au quart de tour. Scotché au fond de son siège, il rattrapa Noélie. Ils étaient au même niveau quand le précipice de Krampus apparut devant eux. Sans hésiter, Noélie encouragea ses rênes et s'engagea la première sur le pont de pierre qui surplombait le gouffre. Noah la suivait de près, mais le chemin était bien trop étroit pour la doubler. Le garçon commençait à désespérer quand il aperçut un virage où le pont s'élargissait légèrement. S'il voulait gagner, il devait tenter le tout pour le tout. Noah chanta de plus en plus fort. Ses rênes, envoûtées par sa mélodie, galopèrent jusqu'à atteindre une vitesse phénoménale. Son traîneau vibra tellement que Noah avait des trémolos dans la voix. Alors qu'ils entamaient le lacet, Noah cria sa chanson, tira sur ses guides et tenta de dépasser Noélie par l'intérieur du virage. Il allait la devancer, mais soudain, un des patins de son traîneau se brisa en 1000 morceaux. Noah tenta d'ajuster sa trajectoire, mais c'était trop tard. Son engin fit une embardée et vint percuter celui de Noélie. Un bruit assourdissant résonna dans la montagne. Totalement sonné, Noah mit du temps à comprendre ce qu'il venait de se passer. « Au secours, Noah, aide-moi !» Le garçon se releva, regarda autour de lui, mais ne vit personne. Il s'approcha alors du gouffre et vit Noélie pendouillée dans le vide, accrochée à une fine branche. « Attends, ne bouge pas !»« Je vais pas tenir longtemps !» Noah fouilla dans les débris de traîneau et récupéra la lanière de cuir qui lui servait à diriger les rênes. Il accrocha la première extrémité à sa taille, puis accrocha la seconde au harnais d'un renne. Ainsi équipé, Noah descendit le gouffre pour rejoindre Noélie. Arrivé à son niveau, il laissa la jeune fille se hisser sur son dos et entonna un nouveau chant. Au-dessus d'eux, le renne se mit à tirer et remonta les enfants sains et saufs. Waouh, je sais pas quoi dire. Merci peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Mais comment on va faire maintenant? Nos traîneaux sont fichus. Je crois que j'ai une idée. Devant le temple, le grand maître s'impatientait. Aucune trace des deux prétendants. Il allait rentrer quand il vit une ombre dans le ciel. En fronçant ses sourcils broussailleux, il distingua alors Noah et Noélie volant sur le dos d'un renne, suivi par le restant du troupeau. Les enfants atterrirent devant le grand maître estomaqué. « Mais je ne savais même pas que ces bestioles volaient. C'est parce que vous ne connaissez pas ma nouvelle chanson. Bon, mais comment savoir lequel de vous deux a gagné ?»« C'est Noah. C'est grâce à lui si nous avons pu rentrer. »« Tu parles. C'est moi qui ai détruit les traîneaux. C'est plutôt toi qui devrais gagner. » Oui, mais si tu m'avais pas aidé à... Du calme, les enfants, du calme. Rarement un grand maître a eu l'occasion d'observer deux prétendants aussi désireux de devenir ninja rouge. Toi, Noélie, tu es intelligente et courageuse. Toi, Noah, tu es déterminé et généreux. Toutes vos qualités se complètent à merveille. Et c'est pourquoi, pour la première fois de l'histoire... Je vous nomme tous les deux ninja rouge de votre génération. Ou, comme le commun des mortels aime vous appeler, Père Noël et Mère Noël. Fous de joie, Noah et Noélie se sautèrent dans les bras avant d'embrasser le grand maître. Surpris, le vieil homme leur rendit leur accolade, heureux d'avoir trouvé sa relève. C'était une histoire de Mathieu Jonel. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt!